Maintenant, handicapé, message pour arrêter la guerre. C'est pas bon. Bombe atomique, ça ici, pas bon pour tout le monde. Ça, c'est solution, arrêter. Beaucoup, boum, boum, boum, boum, cassé appartement, cassé morte personne, fille, bébé. Ça, c'est pas bon. Pas bon. Moi, la guerre Russie, Russie-Ukraine. Poutine, Vladimir. Ça c'est difficile, ça c'est politique, pas tout seul. Ça c'est peut-être après c'est gagné Poutine et Vladimir et 4 euros, bombes atomiques, chimiques, ça c'est après, pas maintenant, après. Mon message, arrêtez, musique, sport, film, cinéma, boutique, voyage. Ça, c'est la solution. Ça, c'est qui, docteur? Mais t'as dit, autrefois, tu disais tu parlais en albanais, tu disais un texte en albanais. Exactement. Et compliment. Tu peux. Albanie, pas d'impôt, voilà. Pas d'impôt, pas de taxes, pas de comme ça. Une beaucoup d'argent, une donne une pièce. Ça, c'est encore le système communiste albanais. Ouais. C'est vrai. Vas-y, tu peux nous parler en albanais parce qu'on aime moi, bien, oui. Difficile maintenant pour maintenant. C'est après boum boum kalachikov. Moi, comme ça, mal que beaucoup. Mon copine ici, Sandra, après ensemble, elle partit voyage à Albanie. Ça, Albanie, fille jolie, garçon jolie. Ça, oui. C'est. Mélange. Pas capable pour maintenant pour maintenant. Ah, mais oui, parce qu'une fois, tu nous as fait un poème pour arrêter Poutine, tu le disais. Ça, c'est après, exactement, après Poutine, héros, Catherine, bombe atomique et chimique, Vladimir, maintenant, fâché, exact. Fille, toi, gentil, arrêtez la guerre. Ouais. Et comment on peut arrêter la guerre, tu crois? Russie capable d'arrêter un Vladimir, laisse Poutine ici Troïe, comme ça. Ça, c'est Russie grand. Ouais. C'est ça, Vladimir un petit peu fou. Il est beaucoup fou. Exactement. Exactement. Enfin, un tout petit peu. Laisse ici Poutine, c'est la solution. Ouais. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de fous. Ça, c'est le tien, Vladimir, comme ça. Et pardon, après, calme. Ça, c'est le tien. Ouais. Message, un handicapé, message, arrêtez la guerre. Ouais. La guerre, pas bon. Voyage, copine, pas beaucoup copine. Une copine, un copain, hein, ouais. Docteur, une copine, un copain, français. Un américain, une copine, un copain. Uh-huh. Pas beaucoup copie. Oh, moi, tout le monde, une femme ici. Ça, c'est beaucoup copine. Oui, ouais, mais ça dépend de chacun. Hein. Ici, ça, y a c'est comme ça, chose. Docteur. Ouais. Ça, moi, beaucoup copine, moi, comme ça, moi, comme ça, costaud, beaucoup sport. Mais ça, oui. C'est pas trop beau. De sport. Ah, ouais. Y a... Un petit peu de sport. Moi, marine, top 12 marine, moi, marine, c'est marine. Ouais. Pas américain, pas français. Ouais. Moi, arrivé ici, France. Pour arrêt maladie, hôpital. Oui. Hôpital français, papier, moi, gratuit, moi, amoureux, beaucoup avec Macron. Oui, parce que tu sais, j'avais lu aujourd'hui que Fela Kuti, il y avait 27 épouses. 27, tu imagines? Fela Kuti, musicien, pas Poutine. Bon, un musicien bon, qui a explosé. Oui, c'était trop. Mais après, il a dû divorcer. Il a dit, c'est trop la jalousie. C'est vrai? Oui. Ah, ça, c'est. Poutine, comme ça. Non, pas bien, Poutine. Fais la coutille. Ça, c'est... Ah, salut, Pedro. Ah, oui. C'est la solution. C'est la solution. Oh, docteur, surprise. Docteur, ça. Ouais. Ça, c'est docteur. Voilà. Ça, voilà. Donc, il y a la colonne gastrosophique qui arrive. Tu as une chose à dire Attends, il faut donner un micro. Un micro. Tu peux un micro, Jason? Voilà. Et merci, Tajit, on arrive. Hein. Vous savez qu'il fait très chaud. Que la chaleur nous fait suer. Et la sueur nous fait déshydrater. Donc, chers amis, la gastrosophie du jour vous dit, hydratez-vous de vin, de poésie, de vertu, mais hydratez-vous. Vous voyez, ça s'appelle l'eau des solitaires. Donc, quand on boit de l'eau, on est heureux. Quand on est fatigué, je vous tiens à vous faire ce rappel médical. Il se peut que ça soit un peu de déshydratation. Donc, quand sous la chaleur, nous nous sentons très fatigués, on boit un bon verre d'eau. Pas trop glacé, parce que parfois, ça fait des chocs thermiques. Hein? Donc, mais c'est bien de boire quand même. Et attention, portez votre petit chapeau, comme ce jeune homme exemplaire hein, qui sait se protéger avec son petit chapeau. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de l'eau. Et vive la pluie. Merci. Et vive le soleil. Hey, vive la République, non, vive l'anarchisme de la radio. Voilà, merci pour la colonne gastrosophique. Et merci Tajit aussi pour ta colonne. Tu vas faire la colonne de la paix en fait. C'est toi qui vas gérer la chronique de la paix universelle parce que chaque fois que tu prends le micro, tu dis qu'il faut arrêter la guerre et c'est très bien. Vas-y, vas-y. Petit problème. Oui, vas-y, vas-y. Prends le micro. Oui, d'accord. Moi, je connais bien. Regarde le film à émission. Ça, c'est comédie. Ça, ouais. C'est pas original film américain. Ça, c'est beaucoup caché, beaucoup très fort, beaucoup bon comme ça. Ça, c'est drogué. Oui. Pas de médicaments, un acteur métis américain, pas connu comme ça s'appelle, beaucoup caché comme ça. Comme ça, Stallone et compagnie. Ça, c'est drogué. Adolescent regarde, après maniaque, comme Stallone, comme Arnold, comme. Qu'est-ce que c'est Arnold Minator 2? Maintenant, télénovelle, ça, c'est pas bon. Ouais. Tout comme fille regarde Arnold comme ça, commissaire politique, commissaire police, Arnold, c'est comme ça. Non, pas comme ça. Ouais. Émission ici, adolescente. Moi, elle en France ici, adolescente, et monsieur vieux, drogué. Ouais. C'est le mot, pas. Ouais. Pas de pas quoi. Capable pour discuter. Elle est ici, France droguée. Oui. Monsieur vieux, hein? Pas fille. Fille pas droguée. Ah oui. Ah oui. Ok, mais merci après pour ta colonne. Ça va être la chronique de la paix. Ça va s'appeler comme ça, si tu veux. Hein. Chacun ici a une chronique, hein, je veux dire. Il y a le chroniqueur du système solaire là, qui est là à côté, qui va prendre un café, qui va se préparer. Et on va reprendre la chronique de Jason sur le sport. Et après, on va donner un long moment à Jean-François Océane parce qu'il a besoin du temps pour se concentrer. Là, il commence à se concentrer pour faire l'astrologie digitale. Puis après, on va faire de la musique. Et voilà. Et va la colonne des rêves. Bonjour les fous. Voilà, bonjour. Bonjour les fous. Bonjour, c'est moi la plus folle. Vas-y. Jason, on revient. Au stade Eden Arena à Prague. Oui. J'étais au stade Eden Arena à Prague. Et il y a eu un pénalty à la 62e minute pour West Ham. But de Ben Rama. 5 minutes plus tard, égalisation de Bonaventura. Et la victoire de West Ham à la 90e minute. Bowen. Tu as vu aussi autre sport aujourd'hui ou enfin cette semaine? C'est 2 semaines qu'on s'est pas vu. Oui. Qu'est-ce que tu as? Europa League, UEFA Europa League. Vas-y. Tu peux nous. Vas-y. À la 34e minute, but de Paolo Dybala. Oui. Pour l'AS Roma. Ouais. Et à la 58e minute, but contre 50 de Mancini. Mancini, c'est un Argentin? Non. Ouais. Italien. Italien. De l'AS Roma, but ouais. Contre 50. Et 4-1 au tir au but pour Séville, champion européen. Ah oui. C'est quoi ton équipe préférée? Le Barça. Ah oui. Et ensuite, la finale de la Ligue des Champions à Istanbul. Ça, c'est le but de Maradona contre l'Angleterre? Non, Manchester City. Séville, c'était à Budapest. Ouais. Budapest. Ouais. Et la finale est le champion à Istanbul. But de Rodri à la 67e minute. Ah oui. Pour Manchester City. Et c'est le but décisif et Manchester City vainqueur pour la 3e fois. Ah oui, d'accord. Attention avec les câbles là. Et Ligue des Nations. Ok. Bon, super ton rapport de sport. Et la semaine prochaine, tu vas nous amener quoi ? Qu'est-ce que tu vas couvrir la semaine prochaine ? Je sais pas. Tu sais pas encore ? Ok. Là, je vais parler de la Ligue des Nations. D'accord. Bon, très bien. Et ensuite, toi, tu te prépares la colonne système solaire après ? Mais si, tu es le chroniqueur du système solaire. J'ai parlé de toi au Brésil en plus. Tu écoutes ? Bon, après, quand tu sens que ça vient, tu viens. Ok ? D'accord. Alors, on va passer. Tu as fini, Jason, ou pas ? Vas-y, prends le micro, fini. Ligue des Nations, demi-finale, Espagne-Italie. But de. Attends, Jérémy Pino à la 3e minute. Oui. 11e minute, faute de main, pénalty pour l'Italie. But de Ciro Immobile. Oui. Et à la 88e minute, but de Rosellou qui envoie l'Espagne en finale à Rotterdam. Okay. Bon. Plein de bonnes nouvelles. Et la finale de Croatie-Espagne, 0-0, tir au but, 5-4 pour l'Espagne. Deux arrêts du gardien Unai Simon pour l'Espagne. Ah oui. 5-4. Et tu as pu parler avec les joueurs là-bas ou pas ? Non, je n'ai pas pu. Pourquoi ? Ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête ? Parce que la précédente édition, ils avaient perdu face à la France 2-1. Et ils t'ont pas invité alors ? Non. Oh. C'est depuis 2012, ils cherchent un. Et là, ils ont rempli la Ligue des Nations. Et prochaine Ligue des Nations, 21 mars. Il faut que tu te fasses une crédentielle pour rentrer. 21 mars 2024, prochaine édition de Ligue des Nations. D'accord. Tu vas couvrir ça aussi, hein ? Mm-hmm. C'est ça ? Tu es prêt ? Ouais. Bon. En tout cas, voilà. C'est bonne nouvelle. Et ouais, super. Merci pour ta chronique de sport de Jason, là, qui voyage dans toute la planète pour couvrir tous les épisodes. Ah oui, je vais parler le 20 juillet, 20 juillet ou 20 août, Coupe du monde féminine de football avec l'équipe de France. Plus dirigé par Corinne Diacre, mais c'est par un monsieur, je sais pas son prénom, mais c'est un nouvel entraîneur. Et tu vas couvrir aussi la Coupe mondiale du rugby, la Coupe du Monde ? En septembre. Ouais, ça aussi, hein, tu t'es même pas pour ça. Hein. Il y a aussi qualification à l'Euro 2024 pour l'Espagne. Il faut que tu te prépares ta crédentielle pour que tu laisses rentrer. Hein ? Comme ça, tu te fais inviter aux fêtes et tout ça. Hein. Non, moi je ferai la qualif des... L'Euro 2024 pour l'Espagne, okay. Qui a du retard à rattraper. D'accord. Bon, c'était la colonne football. Voilà. Hein. Voilà. Voilà. Et du rap, je vais faire du rap aussi. Tu veux rapper là ? Oui. Tout de suite ? Vas-y, enchaîne. J'ai mis une musique. Si tu... Ah, oui, la musique, mais il faut la préparer. Moi, ça. Attends. Pas grand-chose. Il va partir. Je voudrais juste poser une question à Vincent, parce que je ne m'y connais pas trop. Tout à l'heure, les trois chansons que tu as faites, alors je dis chansons, pour moi c'est plutôt du slam que du rap. Ouais, c'est du rap. Hein. C'est du rap ? Ouais, je suis d'accord. Alors, moi je dirais plutôt slam. Non, c'est du rap. Ah bon ? C'est du rap. Et c'est quelle est la différence alors ? En fait, j'essaie de bien articuler. Parce que moi, le slam que je connais, c'est Grand Corps Malade, que j'adore. Il est fort, il est fort. Et je trouve que tu fais un peu pareil. Ouais. En fait, j'articule beaucoup pour qu'on comprenne bien les paroles. Le rap, il y a de la musique, non ? Ouais, ça, c'est a cappella, en fait. Et sur YouTube, c'est du rap, en fait. Ah, d'accord, ok. Ok, c'était ma question. Ah, d'accord. Bah, Jason, vas-y, tu peux mettre la musique, hein. Tu es prêt ? Prends le micro. Jason, il est chaud. Don't you want... Don't you want... Don't you want... Don't you want... Don't you want... Don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. And everything's gonna be alright. Everything will be okay. Yeah, you're so tired. You don't know the night. You like a lie. Not a thing of time. Not in a time. Not in a time. Not in a time. Jason, très bien, Jason. Et c'est pas fini. Ah oui. Allô, bonjour, amis du jour. Bon. Bonjour, c'est toujours la radio Métanoïa, voilà. La radio de la transformation. Elle a perdu la connexion. Est-ce que t'es ça? Tu penses qu'on peut se connecter à ton téléphone ou pas? Parce que c'est ça le problème de notre collection, notre cher hôpital de je ne vais pas dire des gros mots, mais ils nous font des connexions. Regarde, tu l'as ? Ah là, on est stream, c'est bon, vas-y, viens, tu peux y aller. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, c'est bon, tu es là. Bon. On t'entend bien. On commence la... La voyance. Je vois que tu as des cartes aujourd'hui. Tu t'es amené de. Oui, j'essaie de mémoriser, mais ça devient repartir. De te renouveler, c'est très bien. C'est tant mieux pour nous. On a plus. Non, oui, j'avais plus rien à mettre. J'ai mis ça. J'étais acheté, puis bing. C'est cool. Peut-être il faut lui dégager un peu la table. Merci alors. Parce que notre voyance. Ah, ces câbles, ils ne marchaient pas très bien. On va changer les voilà, bon. C'est le câble. Donc Jean-François Océane, vas-y, on t'écoute. Bon, l'avance astrale de numérologique de Madame de Madame I le comment Anne-Laure qui est née le 8 janvier 1984. 39 ans maintenant. Capricorne, ascendant, balance. Moi-même. Ascendant, balance, né à 23h50. C'est ça ? Affirmatif. Ouah. Bon, on va commencer. Artiste, clown, chanteuse. Parfaitement. Maintenant, Anne-Laure, à vous. C'est à vous. Ah, c'est à moi qu'on a affaire. Ah oui. Et à moi-même. Ah oui, surtout. Non, surtout. Non, surtout à vous. Non. Bon. D'accord. Alors, vous me donnez 5 chiffres de 1, 2, 2, 1, 22, de 1 à 22, mais pas les mêmes. D'accord. 5 ? 5. Et vous pensez à ce que vous voulez. 8, 13, 16. 5 et 1. Bon, déjà, chapeau. Bon. J'ai pas fait exprès. Non. 8, 5, 13, c'est ça ? Oui. 13, 16, 5 et 1. C'est bon. Bon, ça va être fait. Bon, déjà dit, vous avez eu beaucoup de caractère. Hein. Pareil. Ouais. Beaucoup de caractère. Comme mon père. Bon. Balance, vous êtes très. Par contre, vous êtes une femme qui. Vous êtes autodidacte déjà d'une. De deux, balance artistique, automatiquement, la balance est artistique. Et il y a encore. Il y a une chose qui me reviendra après. Bon, maintenant, on va venir à votre avenir. Chez moi, ça n'existe pas l'avenir. Ah, d'accord, chez moi non plus. Voilà. On est bien OK. Voilà. Parce que moi ceux qui me disent... C'est maintenant. Oui, c'est maintenant et on projette des projets. Et ça marche ou pas, c'est tout. Si, ça dépend que de soi. Bon, vous êtes très juste. Vous êtes une femme très juste. C'est vrai, balance, c'est la justice, mais le 8 sort que vous êtes très juste comme femme. Vous avez beaucoup de sagesse. Par contre, vous êtes très habile, intelligente. Et vous êtes habillée, intelligente, et vous trouvez toujours de quoi faire. Du travail, travail, travail, toujours, c'est le travail chez vous. On va croire que je vous ai payé, en fait. Non, c'est gratuit. Ah, d'accord. Parce que là, c'est une super bio, bon. Moi, je retiens. Bon, très, oui. J'aime beaucoup. Vous transformez les choses dans votre vie, avec votre habileté et tout, vous transformez les choses dans la vie, et par contre, vous avez soit un déplacement, un voyage ou un déménagement. Soit je veux savoir, est-ce que vous avez déménagé? Vous prévoyez un voyage? Je prévois un voyage au Brésil, oui, officiellement. Oh. Oui. Oh. En 2024, oui, bon. Parfaitement. Bon, oui, ça, c'est frais que vous faites avec amour. Vous avez un petit copain là-bas? Non. Non, ben ni oui. Là-bas, ni ailleurs. En tout, oui, mais là-bas, vous y allez avec le cœur et l'amour. Oui. Beaucoup de d'amour. La musique. Oui, là-bas, heureusement. Très encore bon. Vous allez avec, par contre, vous allez et vous êtes très juste. Vous allez trouver une autre justice, un autre monde. Ça va être autre chose, mais vous allez respirer un autre air. Et là, je vais vous dire, vous allez créer encore une transformation. C'est-à-dire, quand vous transformez dans votre métier, vous, c'est la transformation chez vous. En continu. Oui, en continu, ça se voit. Toujours, vous trouvez toujours le point sage. Je vous aime beaucoup. C'est le pape, vous êtes toujours dans la position de la sagesse. Je cherche. Oui, mais on cherche. Mais quand on est vieux, on cherche encore. Hein. J'en ai 64, c'est pour ça que je cherche encore. Par contre, avec la sagesse, vous partez avec l'amour, de la transformation bizarre. C'est constamment vous transformer les choses dans votre vie. Vous aimez bien, c'est très art. Chez vous, c'est très. Enfin, c'est l'art. C'est l'art dans toute façon. C'est que ça, c'est votre. Oui. Là, c'est votre... vrai. En ce moment, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Hein. C'est vrai. 17, vous avez une très bonne étoile, par contre, pour le voyage. pour voyager et dans votre travail. Ça marchera. Merci. Vous êtes protégée. Vous êtes toute seule, par contre. Oui. Vous êtes toute seule. Ah non, je compte sur tous les archanges. Oui. Ils ne m'ont jamais lâché. Oui, non, bien sûr, mais c'est vous. Vous comptez surtout sur vous-même. Vous comptez toujours sur vous-même et vous êtes une personne qui, comme une ermite, vous êtes toute seule, vous dirigez par vous-même. Ah, par contre, dans votre travail pour la transformation, c'est dingue. Tempérance, mettre de l'eau dedans, ça mettra du temps un peu pour votre travail là-bas. Il y a un moment, il y a rien de tout. Ouais, il faudra au nouveau caractère. Je suppose que vous n'avez pas un caractère facile. Bon, n'est-ce pas ? Dans votre travail. Je parle du travail. Je ne supporte pas les ordres. Voilà. Ouais. Mais vous aimez ordonner. J'aime bien, c'est normal, comme tout le monde. Et les chefs aussi, ils aiment bien. Oui, mais puisque vous dirigez. Je dirige mon monde, en fait. Oui. Mais comme le chef dirige son monde. Oui. Et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans le monde des autres. J'aime bien rester dans le mien. Voilà. Et partager avec le monde des autres, mais sans forcément m'inclure dedans. Oui, d'accord. Vous êtes dans c'est votre un monde. Point de vue oui, vous adaptez. Merci. Bon, c'est bon. C'est très positif. Comme si vous m'avez donné, c'est très positif. Mais tempérance, hein, oui. De l'eau à votre vin. Parce que le caractère, dans le travail, ça va. On demande dans le travail, faut tempérer, faut s'adapter. Tempérance, c'est s'adapter. Et ça va en se transformant quand vous adaptez au travail, ça va avec la tempérance. Voilà. Maintenant, je vais faire le total. C'est ça ? Il y a un total à tout ça ? Toujours. Il y a un résultat quand même. Il y a quand même un résultat. Hein. Ça serait dommage. C'est déjà bien. Hein, c'était des encouragements. Voilà, c'est positif. On avance. Non, c'est positif, là. Il n'y a pas de problème. Je mets de l'eau dans mon vin. Non, mais il n'y a que ça. Au niveau caractériel. C'est tout dans le travail, c'est tout. Et ça va tout seul après. Par contre, vous avez l'amour de la transformation et vous faites. Mais c'est vraiment très. Comment dire ? C'est comme un bouquet de fleurs avec. Chez vous, c'est un bouquet de fleurs avec différentes fleurs. Voilà. Merci beaucoup. Mais attendez, attendez. D'accord. Pas maintenant. Non. Non, mais j'ai pas fini. Voyage, et vous allez tourner, c'est ça. Vous tournez là-bas. Vous restez pas à la même place. Je pense pas. Tout n'est pas encore prévu, mais. Moi, je suppose là-bas. Je vais vous dire, c'est les déplacements, voyage sur voyage là-bas. C'est-à-dire pour moi, c'est des tournées, une tournée que vous allez faire. Ok. Calme. Ouais, ça peut pas être autre chose. Parce que c'est en plus que ça signe des déplacements, de déménagement tout le temps. Je suppose que c'est là-bas, vous allez déménager de tel en tel, un truc comme ça. C'est tout. Merci mon clown, chanteuse. Allez, au revoir. Comment elle s'appelle ? Chante-Laure. Oui, merci. C'était la colonne astrologie astrale de Jean-François Ossiane. Reviens. Hey, système solaire, tiens, prends le micro, on va faire Solo Fatoumata et après on y va. Vas-y, numéro, micro 4, attends. Oui, mais là, on dit qu'il y avait le fallback. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. On n'est pas. Alors, tu veux mettre un peu de musique pour danser? Tu peux nous mettre un peu de musique? Tu peux nous mettre un peu de musique pour qu'on danse? Quelle musique tu veux écouter? Tu mets de là. Attends. Parce que je sais que tu nous fais danser à chaque fois que tu nous mets un peu de musique. Tu peux l'écrire? Bonjour, tu peux prendre le micro là, Jérémy? Prends-le là à côté, tu as un micro là, le 6. Jérémy. Bonjour Jérémy. Oh, mais moi j'ai rien à dire en fait. Tu peux raconter un peu des choses. Hein. Raconte-nous un rêve. Je voudrais quand même vous signaler. Allô, je voudrais quand même vous signaler que monsieur Omelenko, qui m'a appris les astres, qui habitait, lui, à l'époque, au 69 rue d'Amsterdam. Je faisais tous les mois un spectacle pour Corabane, pour les voyants de Paris. Il s'appelle monsieur Jean-Claude Limry. Et c'était le plus gros, enfin, je ne sais pas encore si vivant, et j'espère le rencontrer encore un jour. Je l'ai connu à 22 ans. Et il doit avoir donc 85 ans. J'espère, c'est un gémeau. Et j'espère qu'Omelenko, Jean-Claude Limry, monsieur Berge Jean-François, pense à vous et souhaite, j'espère vous re-rencontrer un jour parce que depuis que je ne vous ai pas vu, je voudrais bien vous rencontrer parce que vous étiez quand même mon beau-père dans le métier. Bonjour et au revoir. Merci Jean-François. Et maintenant, tu vas nous présenter ton prénom, c'est quoi? Sania. Mais je me souviens de toi, tu sais qui est. Bonjour à tout le monde, je suis Madame Mijailovic, je suis serbe et je suis hospitalisée ici, voilà. Et je ne sais pas quoi dire en plus, j'ai envie d'écouter la musique. Quelle musique? Ça. Proteini, vitamini. Non, c'est pas celui-là. Je veux dire, c'est pas celui-là. On retourne. C'est pas celui-là, on va chercher un autre alors. Regarde, première. Faites le premier. On fait la pause, on fait attendre la musique. C'est ça. Proteini, vitamini, samo da je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Narisa uvek ista, znači ništa turbo folk. Šatro sluša samo mene i još jednog ne znam kog. I na traku kad se penje, tebra izgleda ko bog. Ja bih zimi da je grejem, ona kaže mi imaju proteini, vitamini, samo da je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu! Šta moja beba radi sad? Radi guzu! Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Qu'est-ce que ça veut dire, Radi Guzouk? Ça sera sport, il y a un ballon. La fille, il est traîné. L'asphalte. L'asphalte ou le sport? L'asphalte. Le sport, d'accord. Et ça veut dire il a fait sa fesse. Il a fait sa fesse, d'accord. Radikouzouk. Ça marche. Oui, bah écoutez, oui. On va mettre une petite instru puis on va rapper dessus. Hein. On peut mettre. Allô? Il y a un petit truc à l'ancienne. Old school. On peut mettre. Je sais pas moi. Mob Deep. Moi j'aime bien l'instru Mob Deep. Mais si, on peut regarder sur YouTube. On n'a pas le temps. Alors, sinon, je peux chanter Billie Holiday. Dédicace à Adrien qui nous écoute peut-être. Ceux qui me détestent auront le mort. Je n'aboie pas mes jeux morts. Plus d'un feu dans ce corps. Trouver une porte de sortie. Que faut-il pour s'en sortir? Leur disque. Investir et prendre des risques. Cycle après cycle, hit après hit. Yes, tu me suis. Ok. Au top. Dès les starting blocks. Aller-retour dans le bloc. Pas pour la dope. Pas pour la drogue. J'ai marqué cette époque. Ok. Qui peut m'arrêter, je suis en vie. Tu tires inutilement dans le vide. Ah ok. Qui peut m'arrêter, je suis en vie. Tu tires inutilement dans le vide. Haïti, la gâchette sensible, des billets dans ce bis. Ok. Ils m'ont parlé de guerre alors que mon âme c'est la paix. Ouais. Ils m'ont parlé de guerre alors que mon âme c'est la paix. Je vis pour les droits et le respect. Je suis balèze avec fair play. Désormais, play. Et désormais, play. Ok, tu continues. À l'ancienne, c'est comme ça. Another text in English, another taste of the fishy touch. None of the waste of this delightful speech. No other than me can give you that itch. Smoother than others, I do not wreck to irritate. I do it to get in the mood of a blissful fate. Through which you can guess it's a full rate of dough. Boom, music of the day, man. It's a shame to be lame on the more, not all the same. Spirit, soul, fearful thoughts, demonic dances, trick kick in the face of whoever's listening. Whatever I needed to spit, I spat and I still spit this glistening fire. Rather lower than higher as the beat sinks in every vessel, every sweet swollen cell. Music I do not sell, a time will come. I share a room with my bed, I don't even own a shit. Busy, busy mind, shady shine, easy, easy flow, let it blow. No, nah, make you bow. Busy, busy mind, shady shine, easy, easy flow, let it blow. No, nah, make you bow. T'es US car, je suis un car, mais aussi un dieu qui te hue, qui te tue en deux-deux, comme s'il y avait le feu. Je me pose sur aucun beat, la bite entre les bœufs, je mets un spliff de bœuf entre les lèvres. Et si tu l'ouvres, gars, vaut mieux que tu fasses gaffe, gars, car j'ai beau être cap, j'ai peut-être pas d'armes, mais c'est pour bien que tu te prennes une baffe, gars. T'es US car. Encore, encore, encore. Ok. Je suis avec le V, je suis avec le V, je n'ai pas de V. Le combat n'est pas fini tant que je peux encore me relever. Le point levé, eh. Le point levé, eh. 0 à 100 en une V. Le V de la victoire ancré dans mes. Ok, le V de la victoire ancré dans l'histoire. Le V de la vraie vie, braver l'interdit. Le V de la victoire ancré dans l'histoire. Le V de la vraie vie, braver l'interdit. Braver l'interdit. Et c'est parti en petite impro, en dédicace, y'a pas d'accro sur l'instru, je rappe comme dans ma rue. Et si je sors ce soir, faut que j'arrive à rentrer chez moi après. Tu vois ce que je veux redire, c'est du flow, de l'à peu près. Qu'est-ce qu'on s'en balille, et sur une radio de complètement ouf. Toujours en impro, ok, on y va, en impro, on fait ça comme ça, c'est flou. Qu'est-ce qui se passe, ici c'est ville, ok. Qu'est-ce qui se passe, en impro, chant que la truie s'arrête. Chant que l'instru s'arrête, c'est pas grave, je m'en bats les steaks. En impro, tu sais, c'est comme ça, les vieux, les mots viennent tout seuls, j'ai archi le seum. Écoute, écoute, écoute, en impro, doucement, je peux même le faire en chuchotant. Je m'arrêterai pas tant que l'instru ne s'arrête pas. Sur la basse, ça me fait bam bam, rime en A, rime en A. Je casse des jeans, les gars qui improvisent jusqu'à le bled d'Alpha One. Et ouais, ça lance des autres rappeurs, casse des G, on est là, des G Kias. Yes, yes, depuis ville, ville, yes, yes, depuis ville. Oui, oui, oui, oui, merci, c'était Metanoia, merci beaucoup les amis, merci Alain, merci Jérémy pour le rap. La prochaine fois, il faut m'amener une liste d'instrus, on les met direct, ou un pendrive, ou un SoundCloud, comme ça, hein. On va finir avec peut-être un morceau. Alain, tu veux mettre un morceau à toi qui... Lequel tu veux? Attends. Comment ça s'appelle? Spliff. Café au singulier. Spliff au pluriel avec un seul F. Au pluriel avec un seul F. Et neuroleptique au pluriel. C'est une instru que j'ai. Non, c'est un texte. C'est un texte que j'ai écrit en pleine nuit. À 5h du matin. Enfin, j'ai commencé à l'écrire à 2h du matin et j'avais fini le freestyle à 5h du matin. Faut taper autre chose. Attends, je vais trouver. Faut taper Dusk the Painter, tu vas plus trouver. Dusk the Painter, Dusk, avec un K. Attaché. Attaché, sinon il va pas trouver. Attaché. Voilà, nickel. Il le trouve pas. Mais c'est scandaleux. Bah alors. Hein, y a plus de réseau. Oui, voilà. Radio Metanoia. On va commencer la semaine prochaine avec Dusk de Painter, qui on l'a pas trouvé aujourd'hui. Merci en tout cas, Alain. Et bah, de rien, avec plaisir. On se voit. Tu viens la semaine prochaine ou pas? Non. Bah, tu nous appelles. T'en passes Dusk de Painter, tu nous appelles. Hein, si, j'y pense, ça roule. Voilà. Bonsoir, Metanoia. Un petit mot, vas-y. Un petit mot. Je suis obligé, moi, de parler de Radio Metanoia, parce que moi, mercredi. Comme ils disent mes potos, Inch'Allah, c'est normalement c'est l'autre mercredi, c'est la dernière fois que je viens, Martin. Après, je suis sur d'autres affaires et j'aurais plus le temps de revenir. Genre deux semaines, deux mois de break un peu, et à mon retour, je vais charbonner comme un ouf. Donc du coup, je dois faire quelques sacrifices. D'accord. Au niveau du temps, tout simplement, juste au niveau du temps. Oui. Mercredi, pour moi, c'est la dernière fois. Mais les autres, moi, je vous conseille de continuer, hein, en vrai. Si vous pouvez continuer. Hein. Quitte à venir occasionnellement. Les amis, Metanoia, c'était Fofanata pour un fin en toute douceur des xylophones. À la semaine prochaine, Metanoia. À la semaine prochaine.